Alors, vous écoutez Futur Simple, c'est François Rioir qui vous parle. Et on prend la direction de la Floride pour revenir sur un phénomène géologique, un trou qui s'est subitement formé sous une maison et son occupant. Notre chroniqueuse Mélanie Jean va nous donner l'explication de ce phénomène surprenant. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Oui, comme tu l'as dit, la semaine dernière en Floride, il est arrivé un phénomène un petit peu particulier. Comme tu l'as dit, un trou géant qui s'est formé vraiment, vraiment en plein milieu d'une maison. C'est situé en banlieue de Tampa, dans la ville de Brandon. Et bien que ça puisse paraître un peu exceptionnel, en fait, la probabilité que ces gouffres-là s'ouvrent subitement est même si grande en Floride que la loi oblige carrément les assureurs à couvrir ce genre de risque-là dans leur contrat. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. OK, c'est pas un événement fortuit. Non, là, pas du tout. C'est ça. Pour te donner un exemple, en 2006 et 2010, les assurances de la Floride ont reçu à peu près 25 000 demandes d'indemnisation. Ça équivaut à peu près à 17 par jour. OK. Donc, c'est vraiment pas unique, là. OK, mais c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on en entend parler, il me semble. Oui, hein, ben c'est même si la Floride paraît proche, là, des fois, c'est peut-être assez loin pour qu'on en entende pas aussi souvent parler. Pour te donner un autre exemple, le comté de Hillsborough, en Floride, autour de la capitale de Tampa, est même surnommé l'allée des sinkholes, c'est le terme anglophone pour dire les trous, en fait. Les trous déviés, c'est ça? Oui, c'est surnommé trous déviés, mais le vrai nom pour dénommer ce phénomène-là en français, on appelle ça des dolines. OK. C'est le terme français pour sinkhole, exactement. Et comme tu l'as dit, malheureusement, la semaine dernière, ben là, il y a un habitant de la Floride qui a disparu après qu'un de ces trous géants qui pouvait faire jusqu'à. Qui fait en fait 30 mètres de diamètre et 15 mètres de profondeur. Il s'est subitement ouvert, là, tout juste sous l'emplacement de sa chambre à coucher. Mais 30 mètres de diamètre puis 15 mètres de profondeur, est-ce que c'était le trou qui était sous la maison ou c'était, ça peut s'étendre jusqu'à cette dimension-là? Oui, et c'était le trou qui s'est formé sous la maison parce qu'au moment où c'est arrivé, la maison était toujours debout. C'était un peu spécial. Et en fait, les autorités ont fait évacuer la maison. Puis je pense qu'ils ont même fait évacuer les alentours, les voisins aux alentours. Et il y a de fortes chances que la maison finisse par s'effondrer sur elle-même. Bien, parce qu'un trou de 30 mètres de diamètre, c'est beaucoup. Ils s'attendent vraiment à ce qu'elle s'effondre. Fait que c'est peut-être déjà fait, là, mais ça va être probablement ce qui risque d'arriver. Mais de toute façon, avec un trou pareil, je pense pas que la maison va être habitable à nouveau. Non, ça fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on a entendu. Que c'est la première fois qu'on en entend parler parce qu'il y a eu mort d'homme. Là. Oui. Mm-hmm. D'habitude, ça fait pas de victimes. Okay. Juste pour te donner une idée de ce qui est arrivé par la suite de la disparition de cette personne-là. Les autorités ont été appelées par son frère là, qui cohabitait avec lui. Okay. Ils sont entrés dans la maison, ils ont découvert le trou géant et ce qui est très spécial, c'est qu'il n'est même pas visible de l'extérieur. Parce que ce que je te disais, là, la maison ne s'est pas effondrée. Donc, on passe devant la maison puis on n'a aucune idée qu'il y a un trou gigantesque en plein milieu. Là. Mais ça veut être une énorme maison avec un diamètre de 30 mètres. Pas tant que ça. J'ai vu des photos puis ça a l'air d'un bungalow très ordinaire. Et je crois que c'est les pompiers là, qui sont déplacés sur place. Les premiers, ils ont absolument pas été capable de prendre contact avec la victime qui a été déclarée morte, malheureusement. Alors, ces dolines, comme on les appelle, ces trous, en fait, qu'est-ce que c'est, ça? Bien, il s'agit de dépressions circulaires et contrairement à ce qu'on pourrait penser, naturelles. Uh-huh. Et ça se forme sous la terre en milieu karstique. Là, je vais vous expliquer ce que c'est. Un milieu karstique, c'est une région. En fait, karstique, c'est un mot là, très scientifique pour dénommer une région où domine la roche calcaire. Et qui est caractérisé par la prépondérance d'un important drainage souterrain et par le développement d'une topographie qui est due à l'érosion de la roche. Donc, pour vous donner un exemple, la formation karstique la plus connue, c'est la grotte. Okay. En fait, c'est des trous qui sont créés par l'érosion que l'eau va créer dans la roche. Et souvent, c'est des roches calcaires. La roche calcaire, c'est une roche qui est très friable et qui se défait très facilement avec l'érosion. Et c'est la roche aussi qui fait les stalactites et les stalagmites. Oui, c'est ça. Donc, pour vous donner une idée, là, c'est pas mal ça qui explique ce que c'est un doline, en fait. C'est la dissolution là, de ces calcaires-là en surface, surtout en raison des pluies acides, va conduire à la formation de ces trous-là qui peuvent mesurer de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Et ces trous peuvent s'effondrer soudainement, puis n'importe quand, lorsque le poids en surface là, il devient vraiment trop lourd à supporter. La Floride, dont le sol est en majorité composé de calcaire, c'est une zone à risque, mais heureusement, ces trous qui apparaissent soudainement et avalent à peu près tout ce qui se trouve à leur surface font rarement de victimes. Comme tu l'as dit, c'est une des premières fois où on avait quelqu'un qui est décédé de ce phénomène-là. En fait, pourrait-on dire que les dolines sont un héritage du passé géologique de la Floride? Ben, en quelque sorte, oui, parce que la Floride constitue la partie émergée d'un grand plateau qui est composé de roches sédimentaires. Et cette plateforme-là, qui dont une large partie d'ailleurs se trouve encore sur les eaux du golfe du Mexique, a été formé par les sédiments de l'époque jurassique, de l'époque crétacée et du tertiaire. Pour vous donner une idée, ça correspond aux derniers 200 millions d'années. Et cette plateforme-là repose sur un socle qui est encore plus ancien de roches chignées et volcaniques qui, lui, date de à peu près 400 millions d'années. Donc, on a une couche de 200 millions d'années de roches sédimentaires. Donc, c'est assez important. Et au cours de son histoire géologique, qui est vieille de vraiment plusieurs dizaines de millions d'années, mais la plateforme de la Floride a été successivement submergée et libérée au gré des cycles de submersion et de régression marine. Parce que là, on sait, avec la dérive des continents et tout ça, ben, il y a un certain moment où la Floride était complètement submergée. Okay. Donc, ça peut favoriser la sédimentation. Le plateau sédimentaire de la Floride est constitué en majorité par des dépôts calcaires qui sont très épais et qui sont aussi riches en fossiles. Et un fait intéressant, saviez-vous que le nord de l'État de la Floride est constitué de couches sédimentaires qui sont formées à partir du matériel rocheux qui est issu de l'érosion de nos Appalaches? C'est la chaîne de montagnes qui forme la majeure partie du sud et de l'est du Québec et même de la côte est américaine. Donc, il y a une grande, grande partie de... Parce que les chaînes, juste pour faire un bref rappel, la chaîne des Appalaches, il y a des millions d'années, pour vous donner une idée, a déjà été aussi élevée que l'Himalaya. Okay, ouais. Fait qu'il y en a beaucoup que... Il y a une grande partie qui est complètement érodée. Ouais, qui est usée. Donc, là, c'est ça, il y en a une partie qui est de ces sédiments-là qui a recouvert la Floride au fil des années. OK. Elle était donc très vieille, cette chaîne-là. Oui, c'est une chaîne très vieille. En plus de l'État de la Floride, il existe aussi d'autres zones à risque aux États-Unis, et pas juste en Floride qu'on a ce problème-là. Il y a le Texas, l'Alabama, le Missouri, le Kentucky, le Tennessee et même la Pennsylvanie qui sont également concernés par les dolines. OK. Mais est-ce que ce phénomène qui est dit naturel, augmenté par la présence humaine, le fait de creuser, est-ce que ça peut augmenter les risques? Oui, et on se rend compte que c'est peut-être aggravé par l'occupation humaine, parce que là, ça peut être causé des fois par le mauvais état des infrastructures urbaines. C'est souvent une cause qui est pointée du doigt. Okay. L'éclatement des canalisations, des conduites de gaz qui sont en très mauvais état provoque aussi des gouffres pas mal aussi gros que les dolines. Okay. C'est un problème qui est récurrent, notamment en Chine. La Chine est même réputée pour être un vrai fromage gruyère. Là. C'est épouvantable. Ah bon? Ailleurs dans le monde, il y a plusieurs affaissements qui se sont produits, comme par ailleurs en 2007 au Guatemala. À la ville de Guatemala City, c'est la capitale du Guatemala, il y a un trou géant de 100 mètres de profondeur qui a été causé par une rupture d'égout alors que des pluies diluviennes s'abattaient sur la ville. 100 mètres, c'est beaucoup, là. Énorme. L'ouverture du sol a fait 3 victimes et a causé l'évacuation d'à peu près 1 000 000 de sinistrés. En 2010, toujours dans la même ville, il y a encore... ce problème-là qui est apparu, parce que là, après le passage de la tempête Agatha, il y a un gouffre, cette fois-ci, de 60 mètres de profondeur, qui était encore très impressionnant, qui s'est formé en plein milieu de la ville. Là. Il y a des photos qui circulent sur Internet. Vous avez juste à taper Guatemala City 2010. Vous allez voir un cratère gigantesque à l'intersection de deux rues. Là. C'est impressionnant. Là. La France a même connu des affaissements abrupts. Le 31 mars 2001, en Normandie, un jeune homme de 24 ans qui était avalé par la terre lors d'un effondrement sortant de chez son beau-frère. Son corps n'a pas été retrouvé lui non plus. La villa se trouvait sous une marnière. C'est des anciennes mines de craie qui parsèment le sol de la région. Donc là, vous voyez, c'est tout le temps un peu en milieu où il y a des roches qui sont très faciles à éroder. Et ce genre de sol-là, là, ça peut menacer de s'écrouler pratiquement n'importe quand, surtout quand on conjugue l'effet du vieillissement, du ruissellement des eaux et puis de la remontée aussi des nappes phréatiques. Ah oui, ah oui. Donc, ça peut vraiment favoriser ce genre de phénomène-là. Et quand ces trous-là atteignent des dimensions gigantesques, c'est-à-dire, là, je parle de profondeur de plus de 100 mètres, bien là, on les appelle les mégadolines. Okay. Donc là, on parle de vraiment des gros trous. Il existe près d'une centaine de ces phénomènes gigantesques qui ont été répertoriés dans le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, je disais que la Chine est un fromage gruyère. Là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est là où on retrouve le plus grand nombre de mégadolines dans le monde. Okay. 39 sont en Chine. Il y en a 13 en Nouvelle-Guinée. Et plus près de chez nous, ben, il y en a 4 au Mexique, 2 au Venezuela et 1 aux Bahamas. Mais en Chine, c'est surpeuplé, là. Je veux dire, ça risque de faire beaucoup plus de victimes que. Oui, il y a de fortes chances, oui. Uh-huh. Et, surtout si c'est un gruyère. Oui, puis là, en plus, on sait que la Chine, c'est devenu très, très urbain. Hein. Uh-huh. Fait que je la donne pas envie de déménager là-bas. Et contrairement à certaines rumeurs qui circulaient sur Internet, là, j'ai vu toutes sortes de choses passer là, la semaine dernière, là, peu après l'incident de la Floride. Il s'agit pas d'un trou noir. Là. Il y a des gens qui ont dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est parce qu'il s'est formé un petit mini trou noir sous la maison. Puis il aurait englouti la Terre, si ça avait été le cas. Oui, je pense que oui. Là. Ou c'est pas non plus une autre sorte de phénomène paranormal ou sorti d'un film de science-fiction, là, de porte temporelle ou de je sais pas quoi. Là, ça pourrait bien faire un bon scénario de film, ça. Oui. Parce que si jamais on retrouve jamais... Ben, tu sais, le trou à 15 mètres de profondeur, j'imagine qu'il y a moyen de descendre. Là. Ouais. Puis on va peut-être trouver quelque chose. Là. Ouais. Mais là, si on ne le trouve pas, là, les rumeurs vont aller bon train, je pense. Fait comme vous avez pu le constater aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'un phénomène naturel. Et c'est surprenant, mais c'est un phénomène qui est fréquent. Surtout en Floride, ben en fait, dans le sud des États-Unis. Et c'était la première fois qu'aux États-Unis, on recensait un décès lié à ce phénomène-là. C'est un phénomène qui est assez particulier, là, j'en conviens, mais c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Okay. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui expliquerait le trou qu'il y a déjà eu sur le boulevard Maisonneuve à Montréal? Ah, mais non, là, je pense que je sonnerais plus années, à un mauvais entretien des rues. Zut, mais il aurait pu faire passer ça sur le dos des dolines. Oui, non, là, à Montréal, s'il essaie de faire passer le mauvais état des routes pour les dolines, je pense que ça passera pas. Alors, ben, comme quoi, avec la connaissance, tout s'explique. Ben oui. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle entrevue. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et on vous revient avec un sujet controversé, la légalisation de la marijuana.